Alors, je vais vous parler en fait des achats et commandes de peinture pour le musée de Versailles, mais peinture historique au sens de peinture contemporaine, et non pas du tout peinture historique au sens large, c'est-à-dire le complément des galeries historiques. Là, nous sommes dans la partie vraiment commandes et nouvelles œuvres qui rentrent à Versailles, œuvres d'actualité en quelque sorte, entre 1870 et 1914. Alors je voudrais d'abord présenter mes excuses à ceux qui, peut-être dans la salle, un certain nombre de doctorants ont travaillé peut-être déjà sur le sujet, qui vont trouver peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais je n'avais pas connaissance de leurs travaux, et donc je vais vous présenter mon point de vue sur cette question. Je suis très content que Stéphanie Cantarouti ait pu parler de souliers avant que je commence, puisque effectivement la période dont je vais vous parler, qui va donc de la guerre de 70 à 1914, commence évidemment sous le règne de Soulier, dont j'étais resté moi aussi, et en particulier quand je suis arrivé à Versailles, avec l'idée qu'il avait brûlé toutes les archives du château. On a une espèce d'auto-da-fé dans la cour de marbre, ou pratiquement, enfin dans la cour royale en tout cas. C'était la légende qui courait à la conservation encore à une date assez récente. Alors il faut rappeler qu'évidemment le château a été occupé bien sûr par les Allemands, que le gouvernement occupe le château après le départ des Prussiens, en fait, en mars 1871, l'État venant, en fait, s'installer à Versailles, ne pouvant pas se réinstaller à Paris, où la commune avait commencé à ce moment-là. Et en fait, on trouve à Versailles tout le monde, c'est-à-dire à la fois le chef du pouvoir exécutif, qui est Adolphe Thiers à ce moment-là, le premier président de la République, en quelque sorte, et puis l'Assemblée nationale provisoire, qui va s'installer en fait dans le château. Elle va s'installer dans l'aile du Nord, d'ailleurs dans la salle de l'Opéra, qui est réaménagée pour elle dans ce but. Et finalement, ce sont les lois constitutionnelles de 1875 qui fondant la Troisième République, qui créent deux assemblées à nouveau. Le Sénat, qui siège toujours dans l'aile du Nord, qui va reprendre l'Opéra, et l'Assemblée nationale, ou Chambre des députés, qu'on installe dans l'aile du Midi, dans un espace qui avait été libéré par les travaux de Neveu, dans l'aile du Midi, en fait, dans cet espace des cours, les trois anciennes cours du château, que Louis-Philippe avait fait réunir par Neveu pour créer un espace unique et aussi pour un peu assainir le château, qui, dans cette partie-là, était un peu délabré à l'époque où il a commencé les travaux de son musée. Et en fait, on installe, c'est l'architecte de l'Assemblée, Edmond Joly, qui installe la salle du Congrès, aujourd'hui salle du Congrès, dans ces cours, en fait, à l'intérieur de ces cours, une construction qui se fait très rapidement en 1875 et qui nous vaut encore une salle que nous verrons tout à l'heure. Et puis les assemblées, en fait, ne repartiront. Le gouvernement, en fait, le président de la République et les ministères repartiront assez vite à Paris, dès la fin de la Commune. Mais les assemblées, en fait, resteront à Versailles longtemps, jusqu'à l'été 1879, ce qui ne sera pas sans influence, évidemment, sur l'activité du musée, qui est réduite à la portion congrue à ce moment-là, puisqu'on ne peut visiter pratiquement que les attiques avec les collections de portraits, puisque effectivement, comme Stéphanie vous l'a dit, tous les autres espaces sont occupés par le gouvernement, par des salles de session, etc., y compris dans les grands appartements, ce qui paraît un peu étrange, mais qui est vraiment le cas à ce moment-là. Alors, le musée, à ce moment-là, est en sommeil, mais c'est un musée dont il faut se rappeler qu'il est relativement plein. Alors, je vous remontre ici une image que vous avez déjà vue tout à l'heure, qui est l'image de sa salle de Crimée, qui devient salle d'Italie et de Crimée par la suite, à partir de 1859, où l'on voit donc les grands tableaux commandés par Napoléon III. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace qui a été en fait imaginé par Louis-Philippe, et que son projet, qui a été arrêté brutalement par la chute du régime de juillet en 1848, avait laissé inoccupé. Donc en fait, dans cette salle-là, seule la voussure avait été réalisée par Ferron, un élève de Vernet, et on voit aussi dans le fond de la salle, sous le tableau de Pils, une balustrade qui était articulée avec deux colonnes que l'on aperçoit derrière les bustes, qui est en fait un dispositif mis en place par Louis-Philippe et qui finalement n'a jamais servi. Donc la salle était restée telle que, c'est-à-dire avec des murs vides, et Napoléon III y installe ses collections, après avoir, il faut le dire, pensé à un autre projet, qui était un projet dans la Grande Galerie du Louvre, donc à proximité des Tuileries, pour installer l'ensemble des tableaux sur l'histoire de son règne. Et on installe donc dans cette salle, ancienne salle du Maroc, devenue salle de Crimée puis d'Italie, les tableaux commandés par Napoléon III, ce qui différencie peut-être les accrochages du temps de Napoléon III par rapport à Louis-Philippe, c'est qu'effectivement les tableaux ne sont plus installés en boiserie, ce qui correspond à ce que vous disait Stéphanie, qui souhaitait de souliers et qui voulait un accrochage un peu plus mobile, un peu plus souple. Et puis on mélange aussi les sculptures avec les tableaux, ce que Louis-Philippe ne faisait pas. Louis-Philippe installait les sculptures dans les vestibules, dans les galeries, dans les escaliers, dans les lieux de passage. Mais sous Napoléon III, on mélange pour la première fois les deux techniques, ce qui permet de les réconcilier d'une certaine façon. Alors, je vous montre ici un tableau qui est un des premiers tableaux qui rentre en fait au musée dans les années. En fait, il arrive ici dans les années 1880. Il faut dire que les premières années, à la fois de l'occupation par les assemblées, occupation du château, et ensuite le départ du gouvernement pour Paris, ne facilitent pas. Enfin, c'est une période qui est un peu où le château est un peu en sommeil, en quelque sorte, le musée en tout cas. Et la période n'est pas propice aux acquisitions. Et ce tableau-là arrive à Versailles, peut-être aussi parce que c'est un tableau qui est lié à l'histoire du château, puisqu'il montre en fait la salle du congrès de Versailles. C'est un grand tableau de Benjamin Ullmann, acheté par l'État en fait en 1884 et qui est envoyé à Versailles en 1889. Il est intéressant pour nous aussi parce qu'il vous donne une idée de l'extraordinaire effervescence de la vie à Versailles à l'époque des assemblées, puisque, comme le disent les chroniqueurs de l'époque, Paris est à Versailles, donc il y a une vie extrêmement intense, et aussi de l'intensité des débats parlementaires. Vous voyez là la salle du Congrès, achevée très rapidement en 1875, occupée donc par la Chambre des députés, avec tout un public juché sur les tribunes, une image qui nous arrive encore de voir un peu aujourd'hui, de temps en temps, au moins une fois par an, depuis le début de la présidence Macron. Alors le tableau, je vous le montre en noir et blanc, je suis un peu désolé, j'aurais voulu vous le montrer en couleur, nous voulions le sortir pour l'Expo Revival, mais il a été malheureusement accidenté, il y a eu un gros accident de rentoilage il y a pas mal de temps, et le tableau est aujourd'hui zébré d'éraflures dans tous les sens, et peut-être pas restaurable, donc je vous montre cette vieille photo en noir et blanc d'avant les dégâts qui ont été causés sur ce tableau. Alors la période qui nous occupe voit agir en fait quatre conservateurs. Vous avez donc de gauche à droite Eudore Soulier, dont Stéphanie Cantarouti vient de vous parler. Vous avez à côté Louis Clémandry, par une de ses caricatures de Giraud. Le comte Clémandry qui reste au château pendant quelques années, c'est-à-dire entre 1876 et sa mort en 1882. Ensuite, nous avons Charles Gosselin, qui a été évoqué tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé son portrait, c'est pour ça qu'il est en noir. Et en même temps, c'est peut-être la personnalité qui a le moins marqué le château, puisque c'est lui qui a poussé Nolac, surtout à ne pas s'occuper de ce musée qui se portait très bien tout seul et qui n'avait pas besoin de lui. Et puis finalement, Pierre de Nolac, à la fin de la série. Pierre de Nolac, auquel donc Gosselin dit « Pas de zèle, jeune homme, écrivez des livres sur Versailles si cela vous amuse, mais laissez en paix ce musée qui n'intéresse plus personne ». Alors, malgré tout, dans ces années, dès les années 1880, dès l'époque de Gosselin, on se préoccupe, enfin, finalement, quand même, de faire entrer l'histoire contemporaine à Versailles. Mais malheureusement, Gosselin ne se bat pas beaucoup pour le musée et il laisse partir un certain nombre d'œuvres importantes, dont l'entrée des croisés à Constantinople, que vous avez vu tout à l'heure, de Delacroix, qui quitte le château en 1883 pour être présenté à Paris dans une rétrospective de Delacroix et qui restera à Paris, où il sera récupéré par le Louvre. Et puis, en 1889, plus grave peut-être encore, et très symbolique, le sacre de Napoléon de David, qui est emporté à Paris pour être présenté à l'exposition rétrospective de l'art français dans le cadre de l'exposition universelle de Paris, et qui ne reviendra pas également du Louvre, le Louvre grand prédateur de peintures, de chefs-d'œuvre. Il y a une vieille rivalité en fait, entre le Louvre et Versailles pour cette question des œuvres. Le Louvre, en gros, considérant qu'il est le musée des chefs-d'œuvre, et que le musée de Versailles est le musée d'histoire, avec des œuvres évidemment d'un intérêt beaucoup plus documentaire et descriptif. Le musée accueille pourtant quelques œuvres contemporaines pendant cette période Gosselin. Alors là, je vous montre, c'est une chance, c'est une première, parce que le tableau vient d'être révélé. Nous avons une campagne de récollement en ce moment de grand format, qui était roulée dans nos réserves depuis de nombreuses décennies, parfois depuis presque 100 ans. Vous avez là une apothéose de Thiers, qui entre dans les collections du château, présenté au salon de 1878, dont l'État ne sait pas trop que faire, qu'il garde en dépôt et qu'on envoie finalement à Versailles en 1884. Alors Thiers, évidemment, est un personnage très important pour Versailles. Et vous voyez cette peinture qui est plus une allégorie, bien sûr, qu'une peinture d'histoire, ce qui a dû quelque peu chagriner le conservateur recevant ce tableau. En fait, vous y voyez Thiers sur sa civière. Vous avez devant lui la France en deuil avec le drapeau tricolore abaissé, l'immortalité à la tête de Thiers. Et puis on aperçoit au fond, derrière à gauche, une représentation, enfin une évocation des obsèques de Thiers avec le char funèbre qui traverse le cimetière du Père-Lachaise. et puis de l'autre côté, les fortifications de Paris, construites à la demande de Thiers pour défendre la capitale et qui ont été détruites dans le courant du XXe siècle. Donc un tableau assez étrange qui s'inscrit mal dans les collections parce qu'en plus, dès la constitution des collections, nous l'avons vu ce matin, Louis-Philippe avait évité absolument l'allégorie, sauf dans des cas très, très particuliers et bien circonscrits. Et voilà, c'est une peinture qu'il n'aimait pas, comme Napoléon ne l'avait pas aimé. Ce sont deux hommes de la même génération, c'était donc pas tout à fait indifférent. Et voilà cette apothéose de Thiers qui a été présentée quelque temps au château dans la salle de 1830, où Thiers retrouvait en quelque sorte les faits de sa jeunesse lorsqu'il était ministre de Louis-Philippe. Et puis, récemment déroulé aussi, que vous verrez bientôt, c'est voilà, cette fête du centenaire des États généraux, avec l'inauguration du bassin de Neptune au mois de mai 1889 à Versailles. C'est donc le président Sadi Carnot qui préside la grande fête qui est donnée à cette occasion-là, pour donc commémorer le centenaire de la Révolution qui donnera lieu à beaucoup de célébrations de toutes sortes en France. Versailles ayant pris les devants, finalement, assez curieusement, avec ce centenaire des États généraux, un grand tableau d'Alfred Roll qui est arrivé à Versailles. Je ne dirais pas que c'est un envoi pour les galeries historiques, c'est un tableau qui a été commandé en fait pour remplacer dans la salle du Sacre le grand tableau de David qui avait quitté le musée depuis plusieurs années. Donc on se disait, qu'est-ce qu'on va faire de cette salle dont les contemporains semblaient penser qu'elle était finalement plus qu'une salle provisoire, puisqu'on avait deux tableaux sur trois, et qu'on pourrait un jour la démonter. Et donc le tableau est installé, en fait, il est commandé en 1893, présenté au salon en 1894, et installé dans la foulée, dans la salle du Sacre, où il est resté, en fait, jusque dans les années d'après-guerre, au moment où le château a pu acheter la deuxième version du Sacre, cette réplique réalisée par David pour des amateurs américains. Alors voilà le tableau en situation, vous le voyez dans la salle du Sacre, en situation, là sur la gauche, à la place du Sacre de Napoléon. La confrontation de tout ça devait être très étrange, mais vous aurez la révélation du tableau. Vous vous ferez une idée. Je ne vais pas vous parler de style aujourd'hui ni de qualité des œuvres, parce que je pense que vous pourrez vous en faire une idée vous-même par les images que je vous montre, et puis par le tableau de rôle que vous aurez l'occasion de voir dans l'exposition Revival, puisque nous l'avons déroulé, restauré et sorti pour l'occasion. Alors, succédant à Gosselin en 1892, Nolac, en fait, amorce immédiatement des changements à l'intérieur du musée, des changements qui vont transformer profondément et durablement, définitivement en réalité, le musée, dans ses deux composantes, la résidence royale et les galeries historiques de Louis-Philippe. Alors, j'avais tendance, en réfléchissant, en me disant finalement, Nolac a voulu ressusciter la résidence royale avec la bénédiction de la direction des musées. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. Et en fait, lorsqu'il prend ses fonctions, la question est posée, en fait, de faire rentrer l'histoire contemporaine au musée, Versailles restant quand même d'abord le musée d'histoire de France avant d'être la résidence de Louis XIV. Et ça, c'est très présent dans les écrits, dans les correspondances de l'époque. Donc Nolac, en fait, en 1894, adresse au ministère des Travaux publics, via le directeur des musées nationaux et le directeur de l'administration des Beaux-Arts, Henri Roujon, qu'il connaît bien, une demande de travaux pour la création d'une salle de l'histoire contemporaine pour la somme de 200 000 francs à prendre sur le budget des bâtiments civils et palais nationaux. Alors il lui est répondu malheureusement que le projet ne pourra pas voir le jour en 1895, la somme n'étant pas disponible, qu'elle pourrait l'être en 1896, et Nolac va faire à ce moment-là agir un peu toutes ses amitiés dans le monde de l'art pour essayer de faire sortir ce projet. Et c'est ainsi que dans le rapporteur du budget des Beaux-Arts, Georges Berger, en 1896, écrit en fait que cette salle d'histoire contemporaine est à l'étude depuis plusieurs années et qu'elle ne saurait soulever aucune objection de principe. C'est la grande salle qui devra être consacrée un jour ou l'autre à la Troisième République et à l'histoire contemporaine. Les quelques tableaux contemporains restent faute de place sur des chevalets ou en magasin, et la commémoration de l'histoire de France dans les galeries populaires de Versailles s'arrête à la guerre du Mexique. Ce qui est vrai, c'était vraiment un moment, mais on a vu que les années qui ont suivi étaient peu favorables à des commandes de tableaux ou des achats, à une époque où l'administration des Beaux-Arts, d'ailleurs, était un peu en peine de crédit. Cette campagne marque en effet l'arrêt des commandes régulièrement faites pour Versailles. Il est évident que des lacunes aussi étonnantes doivent être comblées, particulièrement pour ceux qui regardent les épisodes de la guerre de 70-71, les campagnes coloniales, les événements civils et militaires les plus récents, par des commandes spécialement faites aux artistes. Donc, les choses avancent et, en fait, On ne sait, je me suis posé la question de savoir ce que Nolhac avait derrière la tête pour l'aménagement des lieux. Et en fait, c'est Perraté, dans sa notice nécrologique sur Nolhac, qui donne la réponse. Nolhac avait imaginé de transformer l'aile Gabriel, que vous voyez ici à l'écran, cette aile qui était restée inachevée à la mort de Louis XV, en fait, puisque le projet de reconstruction du château avait connu un terme. Il y avait en fait de grands espaces vides dans lesquels avait été construit à la fin du XVIIIe siècle un théâtre qui était resté en place très délabré jusqu'à l'époque de Louis-Philippe et dont Neveu avait fait table rase dans les travaux des années 1830. Donc là, il y avait un grand espace disponible que Nolhac envisageait effectivement de consacrer cette salle d'histoire contemporaine, cet espace où l'on a construit, dans le cadre de la loi Programme, il y a une quarantaine d'années, l'escalier qu'on appelle aujourd'hui l'escalier Gabriel. Donc on aurait pu sans doute effectivement ici placer des œuvres, parce que la question de la localisation de ces œuvres était vraiment entière, puisque toutes les salles du château étaient très pleines d'œuvres, à la fois de ce qu'on avait fait le projet de Louis-Philippe, mais aussi ce que le Second Empire y avait ajouté au fil des années. Alors il y a eu différents types d'acquisitions pour le château. L'État qui commandait des tableaux ou qui achetait des tableaux au salon, qui les envoyait directement à Versailles, mais pas toujours, ce qui nous vaut aujourd'hui des problèmes de responsabilité administrative sur ces œuvres, qui sont souvent considérées comme des dépôts de l'État à Versailles, qui n'avait pas à l'époque ses propres inventaires. Et en tout cas, à la suite des démarches de Nolhac, dès 1896, en fait, l'administration lui propose de faire son choix parmi un certain nombre d'œuvres qui sont disponibles au dépôt des marbres à Paris, dont nous avons parlé ce matin. Dépôt des marbres qui est vraiment le magasin où l'on met tous ceux dont on ne sait que faire. Donc à la fois des marbres, bien sûr, des sculptures, mais aussi des tableaux. Et donc Nolhac envoie son adjoint Perraté faire un choix de grands tableaux et de bustes en marbre pour les collections du château. Alors l'un des premiers tableaux qui rentre dans les collections à cette époque-là aussi, c'est la grande charge de Reichshoffen, des Mémoraux, qui est un très grand tableau de la guerre de 70. La guerre de 70 est vraiment un problème majeur, puisque pour la première fois, il faudrait faire entrer dans le musée historique de Versailles des œuvres qui illustrent tout simplement la défaite. Et ça, il n'y avait pas ça depuis Louis-Philippe. Louis-Philippe, vous savez, avait évité tous les sujets qui pouvaient fâcher. Et donc, toutes les défaites de l'histoire nationale, depuis les Gaulois, enfin, en tout cas depuis Clovis jusqu'à son époque, il n'y avait pas de défaite. Toutes ces périodes-là étaient occultées totalement. Le Second Empire avait fait de même. Mais avec le début de la Troisième République, le grand événement, évidemment, le grand traumatisme national, c'est cette guerre de 70 dont on ne sait pas trop comment la représenter. Alors, les artistes vont, après un temps un peu long, il y a une dizaine d'années où il ne se passe pas grand-chose entre la fin du conflit finalement et la fin des années 1870. Et là, il y a tout un mouvement qui se met en œuvre pour réaliser de la peinture sur ce conflit, pour rappeler que ce conflit, s'il a été une grande défaite, a été aussi un moment de gloire nationale extraordinaire. Et on commande donc de nombreuses œuvres aux artistes. Et donc le tableau des Mémoraux symbolise vraiment l'arrivée de ces œuvres au musée. Nous ne l'avons pas encore déroulé, donc je ne peux vous le montrer malheureusement qu'en noir et blanc. Grande charge, c'est un tableau de très grande dimension, hein, comme souvent. C'est un des problèmes d'ailleurs de cette production. C'est en fait le format gigantesque des œuvres qui rend le projet de Nolhac un petit peu illusoire d'une certaine façon. Alors, dans les années qui suivent, sont achetées d'autres œuvres. Vous avez ici un tableau à nouveau à dérouler bientôt, enfin on espère dans les mois qui viennent, c'est en fait un fragment, c'est pas un tableau acheté par l'État à proprement parler, c'est un fragment du panorama de la bataille de Champigny, qui fait partie d'une paire de panoramas, le panorama de Champigny, le panorama de Rezonville, réalisé par deux grands artistes de la guerre de 70, Édouard de Taille et Alphonse de Neuville. Et en fait, pour la première fois, en fait, dans l'histoire du panorama, des panoramas ont été considérés comme des œuvres d'art à part entière. Et ces deux panoramas ont été sauvés, et les morceaux, en fait, les panoramas ont été découpés en essayant de composer à chaque fois un tableau assez significatif, et vendu aux enchères en 1892. Et l'État a acheté pour Versailles ce fragment, qui est un des plus grands fragments, le combat de la Platrière, mais qui, vous voyez, est un épisode d'une bataille. Et ce qui est amusant, c'est qu'à la même époque, la ville de Paris a acheté absolument le fragment voisin, mais qui, je crois, a été envoyé par la suite en dépôt au Collège militaire de Saint-Cyr, où il a disparu dans les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un fragment très important, puisqu'il fait 6,50 m par 7,25 m. Ça vous donne une idée de l'échelle de ces œuvres. ce n'est pas une rareté dans ces collections de tableaux qui sont souvent des choses de très grand format. Donc une œuvre importante qui rentre encore dans les collections. La guerre de 70 a donné lieu à cette production, une production tout à fait considérable, mais qui finalement a eu beaucoup de succès auprès des amateurs, et en particulier les amateurs étrangers. Beaucoup de grands collectionneurs américains ont acheté ces œuvres, et l'État lui-même a été beaucoup plus frileux sur des acquisitions. Et il avait acheté en particulier ce grand tableau d'Armand du Maresque, le général Faidherbe à la bataille de Bapaume, qui est assez révélateur de cette production, pas extrêmement emballante, si j'ose dire, des épisodes voilà, dans un village sous la neige. C'est un très grand format, là aussi, 4 mètres par 5 mètres 75, et c'est un tableau que très vite, qui a été récupéré au dépôt des marbres par Perraté, dont très vite Versailles s'est débarrassé, et il est depuis 1890 en dépôt à la mairie... Non, depuis, non, une date plus récente, en dépôt à la mairie de Bapaume, qui a été reconstruite après la guerre de 70, après la guerre de 14, pardon. Et vous voyez en bas la table avec les micros que j'ai laissés volontairement pour vous montrer un peu l'ambiance dans la grande salle de la mairie de Bapaume. Ça a été le sort d'un certain nombre de ces tableaux de quitter Versailles pour des destinations un peu plus douteuses. Et alors, de la même façon, l'État a acheté, et il a été également trouvé au dépôt des marbres, ce Mac Mahon blessé à Sedan en 1870, du même Armand du Maresque. Un sujet qui ne devait pas plaire non plus, qui a été assez sévèrement jugé par la critique. On a écrit « On s'est étonné en effet qu'un artiste ait pu songer à consacrer le souvenir d'une blessure qui a été, par suite de la fatalité, le point de départ de l'une des catastrophes nationales les plus douloureuses dont fassent mention les annales de l'histoire. » Autant dire que c'est un tableau qui est en réserve, vous le voyez, il est sur une grille. Il a des papiers de protection un peu anciens, il est dans nos réserves et il attend des jours meilleurs. En tout cas, c'est le type de tableau qui est vraiment... qui représente par excellence la défaite et qui donc posait un problème pour Versailles. Alors Versailles a reçu aussi d'autres choses, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des achats qui sont faits par l'État, c'est aussi des dons qui ont pu être faits ou des legs. Et là, je vous ai mis une petite mosaïque de tableaux de Detaille. Édouard Detaille, grand peintre militaire, qui est le second président de la Société des Amis de Versailles, qui est un des fondateurs du musée historique de l'armée à Paris, un personnage très important dans tout ce monde militaire, puisqu'il est essentiellement peintre militaire. Et en fait, il a légué son fonds d'atelier à l'État. Versailles a pris le meilleur, et tout le reste est parti au musée de l'armée, avec toute une collection d'uniformes, d'armes. C'est une collection tout à fait considérable. Et vous avez là une mosaïque avec certains tableaux qui sont encore dans les collections de Versailles, et d'autres en dépôt. Ce sont des œuvres voilà, qui sont plutôt des œuvres de l'ordre du fonds d'atelier, donc effectivement des esquisses ou des œuvres de format moyen que Detaille n'avait pas réussi à vendre. Et puis pour la guerre de 70, l'État a envoyé à Versailles surtout les deux grandes œuvres que vous avez ici. Le premier à gauche qui est Patrie de Georges Bertrand, un tableau de 1893, et le suivant Halte-là, tout ça avec toujours un point d'exclamation, Patrie, Halte-là, d'Alfred Roll. Un tableau de 1901 qui montre un corps à corps en fait, entre un cuirassier français et un cuirassier prussien. Donc des tableaux qui relèvent plus de l'allégorie, mais qui symbolisent bien cette bravoure de l'armée française pendant la guerre de 70 et qui trouvent place au musée. Le Patrie de Georges Bertrand a été longtemps présenté dans la galerie des batailles. Il y était mis en avant et en vedette, en particulier au moment de la visite des souverains russes en 1896. Alors on n'a pas que de la guerre dans les collections de Versailles, on a aussi des sujets. Alors je vous montre là. Alors je voulais quand même regarder. Oui, on a voilà dans les sujets plutôt événements civils et militaires les plus récents dont parlait le rapporteur du budget. Voici deux tableaux qui représentent la visite, enfin les échanges, les visites croisées en fait de la flotte française à Kronstadt et de la flotte russe à Toulon, qui ont précédé en fait l'avenue des souverains russes à Paris en 1896. Donc vous avez un grand tableau en haut de Dumoulin, l'autre en bas de Paul Jobert, qui sont des tableaux qui sont encore dans nos réserves aussi, qui vous montrent voilà, des tableaux d'actualité. Ce sont des tableaux de marine qui auraient pu aller au musée de la marine, mais qui n'existaient pas à l'époque dans la forme qu'il a aujourd'hui. Et voilà la visite, aussi un tableau déroulé récemment, la pose de la première pierre du pont Alexandre III, par l'empereur Nicolas II et son épouse, d'Alfred Roll. Encore une composition assez surprenante. On voit cette peinture républicaine très étonnante avec des assemblées, je dis toujours des assemblées d'hommes en noir, mais c'est un peu ça. Là, on a aussi des jeunes filles en blanc, ça tombe bien. Mais voilà, pour montrer à quel point, finalement, les sujets de commandés ou achetés par la République ne sont pas forcément des grands sujets pour la peinture. Mais en tout cas, les œuvres sont achetées et envoyées à Versailles pour les collections. Et on commande aussi à De Taille ce grand tableau d'une revue au camp de Châlons, qui est la revue de départ en fait, du tsar, qui repasse par le camp de Châlons en route vers la Russie, avec un grand tableau de taille qui a été entre-temps déposé à la mairie de Châlons anciennement Châlons-sur-Marne, puisque Châlons-Champagne aujourd'hui, puisque la revue a lieu dans le secteur. Et puis, la deuxième visite du tsar en 1901 fait l'objet de ce tableau d'Albert Davant, qui est encore à Versailles, voilà, qui vous montre ce type de sujet qu'on ne conservait pas, enfin, qui était vraiment le genre de choses qu'on ne trouvait pas dans les collections des galeries historiques avant la Troisième République. Il y a vraiment un vrai basculement vers d'autres sujets qui sont liés, bien sûr, au changement de régime. Alors, il y a un grand thème aussi, ce sont les funérailles nationales. Alors ça, on en voit à Versailles tout ce qui est funérailles nationales. Vous avez là, en haut à gauche, les funérailles de Pasteur, d'Édouard de Taille. En bas, les funérailles de Mac Mahon, avec une espèce de grand vide au milieu. C'est très étrange, avec le char funèbre qui est repoussé sur le côté de la composition. Et sur la droite, un tableau de Chartrand qui évoque le centenaire en fait, de la naissance de Victor Hugo, une grande célébration nationale au Panthéon, avec encore une assemblée d'hommes en noir, encore des jeunes filles en blanc. Tous les corps constitués sont présents pour honorer Victor Hugo dans une cérémonie absolument incroyable. Et toutes ces œuvres donc, rentrent dans les nouvelles collections des galeries historiques, dans cet enrichissement. Et je l'ai mis à part parce qu'il est gigantesque. Ce sont les obsèques ici de Sadi Carnot au Panthéon. C'est un tableau que nous avions de Georges Bertrand. C'est un tableau de 1903-1904 que nous avions sorti au moment de l'exposition La mort du roi. Mais il est passé peut-être un peu inaperçu parce qu'il, pour des raisons de présentation, il avait fallu un peu le rouler de chaque côté, ce qui fait qu'au lieu d'être horizontal, comme vous le voyez là, il apparaissait dans l'exposition très vertical. On en voyait en fait la partie centrale avec le catafalque, les ambassadeurs sortant du Panthéon. Donc grande commémoration dont la République est assez friande, avec une assemblée d'hommes en noir sur fond noir cette fois-ci. Donc vraiment un sujet difficile avec des rehauts de couleurs qui peinent un peu à raviver un peu cette composition. Alors, on avait souhaité aussi évoquer les campagnes coloniales. En réalité, c'est du côté des campagnes coloniales que les choses, que l'enrichissement de Versailles a été très limité. Vous voyez ici des épisodes de la conquête de Madagascar en 1895. Vous avez en bas trois esquisses achetées par l'État et envoyées à Versailles. Et au-dessus, un bout d'un des panoramas que nous avons déroulé. La photo est très fragmentaire, que nous avons déroulé il y a quelques années. Finalement, les sujets de l'histoire coloniale seront plutôt envoyés au ministère des colonies, au musée du Trocadéro à partir de 1878. Et Versailles n'en verra pas vraiment la couleur, à part ces tableaux de Madagascar qui sont arrivés à Versailles par la volonté expresse de leur artiste, de leur peintre, qui a souhaité que ces tableaux arrivent à Versailles. Et puis, autres épisodes, grands épisodes républicains, les remises de récompenses aux expositions universelles. Donc, vous avez en haut celle de 1889 par Gervex, donc grand défilé des délégations des différents États. Et vous avez en particulier tout un groupe venant des colonies au premier plan du tableau. Et puis en bas, la distribution des récompenses à l'exposition universelle suivante, celle de 1900, donc dans la grande salle du palais du Trocadéro, qui a disparu aujourd'hui. Alors, parmi d'autres scènes, une réception des maires à l'Élysée par Cormon. Je vois certains sourires dans la salle. Voilà encore une assemblée, qui n'est pas vraiment tellement un sujet de peinture, mais c'est un tableau dont on ne sait pas trop que faire et que l'on envoie à Versailles pour montrer un peu l'actualité de la République, un peu comment les choses se passent. Et j'ai rajouté aussi, alors là c'est un petit clin d'œil à mes précédentes fonctions au musée de l'armée, un tableau qui est donné cette fois-ci par la veuve de son auteur, Madame Loustonneau, un tableau de Louis Loustonneau, intitulé « Le colonel de la Roche-Tulon » qui présente aux recrues l'étendard du 6e régiment de cuirassiers sur le champ de Mars. C'est un tableau qui aurait dû aller au musée de l'armée, qui conserve l'ensemble de la collection Loustonneau, à l'exception de ce tableau que sa veuve, qui habitait Versailles, a voulu voir entrer au musée de Versailles. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas un tableau d'histoire à proprement parler, c'est plutôt une scène de genre militaire que l'on envoie à Versailles parce qu'elle évoque évidemment la renaissance de l'armée de la Troisième République en vue de la revanche. Et évidemment, c'est un thème particulier, mais ça reste une exception dans l'enrichissement des collections. Alors, le dernier tableau entré avant la guerre de 14, c'est celui-ci, qui est aussi une redécouverte pour nous, qui est l'arrivée de Louis Blériot à Douvres après sa traversée de la Manche, par un certain Thévenot. C'est un tableau commandé par l'État en 1910 et qu'on envoie à Versailles. Et alors, les contemporains ont été un peu surpris parce qu'en fait, l'avion de Blériot a été immédiatement présenté au Conservatoire des Arts et Métiers. Et tout le monde a dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on a envoyé le tableau correspondant à Versailles? Et bien parce que c'était les galeries historiques. Donc le tableau arrive à Versailles, tandis que l'avion, qui est plus un matériel, est présenté au conservatoire. Et finalement, le tableau a été ensuite envoyé au conservatoire, d'où il est revenu pendant la guerre. Il a été roulé ici, et nous venons de le dérouler très récemment, donc vous le voyez en avant-première. Alors, faute d'une salle d'histoire contemporaine qui ne verra jamais le jour en réalité à Versailles, comment les œuvres sont-elles présentées? Je vous en montre un exemple ici avec la salle des États généraux. Vous avez en haut l'état actuel, que certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas, c'est pour ça que j'ai préféré mettre une vue aussi de cet état. Et vous avez en bas la même salle avec la présentation de la charge de Reichshofen de Moreau. On voit la dimension du tableau très importante, comparable à celle du grand tableau de Couder de l'ouverture des États généraux de Versailles en 1789, donc un tableau des galeries historiques. On bricole, c'est-à-dire qu'on installe finalement tous ces grands tableaux dans les salles existantes, et quand ils ne sont pas trop grands, on les installe dans les attiques, et on voit au fil des catalogues en fait les tableaux se déplacer et disparaître à un moment donné en réserve. Alors ça, de la disparition, on n'a pas de traces. On le voit parfois sur la bordure de toile des tableaux, il y a marqué « roulé à telle date », etc. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous le savons. Et donc, la question pour nous, c'est l'avenir. Quel est l'avenir de ces œuvres, évidemment? Le projet de Nolac a échoué. Nous-mêmes, nous déroulons actuellement ces œuvres comme dernière étape, si vous voulez, du récollement décennal, pour les connaître, et surtout, pour beaucoup d'entre elles, pour les photographier en couleur pour la première fois de leur histoire, en fait. Et donc la question se pose maintenant de savoir ce que nous allons en faire. Et ça, c'est une question qui est ouverte et que je soumets à votre sagacité. Voilà, je vous remercie.